Hey, mignonne, y'a personne, je mets mes mains sur ton cul, alors mords-moi jusqu'au sang, comme un morceau de chair crue. Accroche-toi sur les draps, que je m'accroche un peu dessus, et l'on chantera sur tous les toits des louanges de nos crues. Et sous ce ciel de lune de miel, à l'autre bout du monde, un bout de mon individu s'égarant des contrées fécondes et découvra la pâleur d'une incursion profonde, les mystères mis en lumière, dépassant ceux de la Joconde. Hé mignonne, un moment, tu me décolles les tympans et ceux des vieux d'à côté, tricotant dans la télé, sur l'écran de la télé. J'admire ton reflet ne cessant de remuer et un râle de s'échapper d'entre tes dents demi-fermées, retenant prisonnier quelques organes très musclés, le truchement de tes pensées si coquinées, susurrées, la tête dans l'oreiller, les pieds, l'oreille et le nez, sans d'aimer pour gourmer, vivons heureux, vivons cachés, mais je ne sais guère être discret comme des soldats revenant de guerre. Je prie à faire trembler la terre, quoi qu'on joigne trop souvent au bruyant de se taire, je m'exécuterai certains m'écroulant par terre. Baignant dans la pleine lune, magnifique et sereine, juste pour une nuit, cela suffit pour avoir le meilleur parti. Mais quand au matin t'es parti, un sentiment me prie qu'en tant qu'amant, ça suffit. Je veux une autre vie, je veux m'introduire dans ta vie, je suis du genre transi.